الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Il vient de dire: je suis innocent de ce à quoi vous, de ce que vous associez à Dieu. Je n'ai pas peur du pouvoir que vous donnez aux choses éphémères. Et il termine en disant ceci: ceux qui portent foi en Dieu et qui ne revêtent pas leur foi d'injustice. Vous voyez ici la traduction dit de prévarication. Ce n'est pas le terme. Bidholm, ça veut dire d'injustice. Se trouvent en sécurité et ils sont bien dirigés. Vous ne pouvez pas comprendre ce verset littéralement si vous ne comprenez pas ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Il nous dit justement que la vraie justice, c'est de reconnaître Dieu. Et la vraie justice vis-à-vis de soi, c'est d'appliquer ce qu'il nous demande. C'est de faire ce qu'il nous demande. Et ici, c'est fondamental. Les croyants étaient autour du prophète, mais ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui habillent leur foi d'injustice. Comment est-ce que je peux avoir une foi injuste? Et le prophète, premier commentateur du Coran, dit avec force, venez à Sourate Luqman. Sourate Luqman, c'est une autre sourate du Coran. Et Luqman dit à son fils, Ya Bunaya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, n'associe rien à Dieu, parce que associer quelque chose à Dieu est une grande injustice. La dhulmun azim. Donc le prophète sallam utilise ces versets pour expliquer ce verset ici que nous avons et qui met en évidence le fait d'habiller sa foi d'injustice. Et d'habiller sa foi d'injustice, c'est justement de ne pas se libérer de ses idoles, de ne pas se libérer de ce que suivent le plus grand nombre. Et on conclura en disant et en comprenant que nous devons être justes avec nous-mêmes. Donc ceux qui croient en Dieu et qui agissent le mal contre leur foi, Allahumma zalamna anfusana. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ceux qui croient en Dieu et qui en même temps croient à d'autres choses, ils adorent l'argent, ils adorent des stars, ils adorent le monde médiatique, ils adorent, même on va bientôt arriver à des gens qui sont en état d'adoration virtuelle du monde de la virtualité. Eh bien ceux-là, ils sont injustes avec eux-mêmes, ils habillent leur foi d'injustice. Et donc, la vraie justice, celle qui mène à Dieu, c'est de se libérer de tout ce qui est virtuel, de se libérer de toutes ces illusions, de se libérer. On voit des jeunes, regardez, vous voulez un exemple de changer l'étoile par la lune? Un exemple très simple. Il y a des gens, ils regardent la société, puis ils disent, regardez-moi cette société, ils sont dans les banlieues françaises, ils sont dans les banlieues américaines, ils sont contre le système, l'illusion du système. Alors pour jeter l'étoile, ils vont finir par adorer la lune. Alors ils jettent le système, c'est l'illusion de l'ordre, c'est l'illusion d'une société qui aime l'argent. Alors eux ils disent, nous on refuse l'argent, de toute façon l'argent ça ne sert à rien. Et quand vous les regardez, ils finissent par adorer les marques de vêtements. La marque c'est la lune, l'argent c'était l'étoile. Puis ensuite, plus que ça, on les verra rejeter même parfois certaines adorations, puis se tourner vers d'autres. Les voitures, le pouvoir, le fait de paraître. En d'autres termes, même dans les lieux où l'on rejette les illusions, on peut continuer à s'illusionner. On voit beaucoup de nos jeunes qui croient être contre le système de l'argent, ils en sont les premiers esclaves.